Bonsoir à toutes et à tous. L'émission La Parole est à vous va commencer avec un tout petit peu de retard. Je salue bien entendu Félicie, ma co-animatrice pour ce soir, et nous allons parler bien sûr de la région de Remiremont, s'agissant d'une brochure de l'Office de tourisme de Remiremont, justement, qui fait état, bien sûr, des différents villages de la Comcom, de leur richesse, aussi bien sur le plan culturel que par rapport à leur site, que par rapport à leurs initiatives. Alors, donc, Martin, est au carrefour des vallées, un village s'étend sur plus de 2000 hectares, c'est une grande commune, dont la moitié est boisée. Une récente table d'orientation implantée à 551 mètres au lieu dit la Vierge de Mai offre un panorama magnifique en dominant le village et la plaine tel un balcon. La Vierge de Mai. La Vierge de Mai, oui. Grâce à la voie verte qui la traverse, il propose de nombreuses activités de loisirs, mais possède également des commerces et restaurants, ainsi que la célèbre foire annuelle des pieds de cochon. Oh, c'est un moment qui a été inauguré, cette fameuse foire annuelle. D'accord, c'est bon, plus voilà. À rue. C'était pas à rue à un moment, la foire aux pieds de cochon. Ah donc... non, c'était la foire aux harengs à rue. Foire aux harengs, pardon. Bon, et tout a, ça, c'est pendant les grandes rue commune. Grâce aux harengs. Ce qu'elle a fait. Michel, juste une question. Ça se passe en été, la foire aux pieds de cochon et la foire aux harengs? Non. C'est plutôt à l'automne, en général, quand tu les cochons. C'est plutôt vers l'automne, donc c'est... Certainement, oui. Bon, on en reparlera peut-être si on a le temps. Il y a des touristes qui sont là encore en septembre. Il y a des touristes toute l'année dans les Hauts-de-Vaude, bien sûr. Ouais. Et puis, il y a à manger toute l'année, ils n'ont pas besoin de soucis à se faire. D'accord. Venez d'abord, on vous trouvera ce qu'il faut. Alors, on commence en quelque sorte par ordre alphabétique, on finit par aller aux quatre coins de la commune, aux extrémités de la commune, parce que maintenant, on va aborder Éloie. Éloie, altitude 361, on descend un petit peu, et 781 mètres d'altitude au plus haut. Et il y a quand même, c'est une grosse commune, puisqu'il y a 3286 habitants. Où ça ? Éloie. Et situé à 12 km de Remiremont, c'est vraiment l'extrémité de la Comcom. Éloie, village de pêcheurs à ses origines. S'est développé ensuite grâce à son industrie liée à l'eau et à sa proximité avec la Moselle. Industrie textile, bien entendu. Esloy, signifiant au bord de l'eau. Esloy. Apparition du premier moulin au XVIIe siècle, puis des féculeries, et enfin du textile au XIXe siècle, transformant la commune d'un monde rural à un monde industriel. Aujourd'hui, la ville reste très industrialisée, avec un grand nombre d'entreprises, mais également un important patrimoine naturel, forêt, avec les randonnées, bien sûr, point de vue et site historique remarquable. Voilà, puis il faut découvrir, par exemple, les cuveaux à Éloie. C'est des cuveaux, ça vaut le coup. Géologique. Parce que déjà, c'est un très beau point de vue sur Éloie, sur la vallée de la Moselle. Oui. Et puis ensuite, sur le plan géologique, c'est une curiosité. C'est vraiment une curiosité. C'est très beau. Puis tout le massif du Fossard en arrière, mais qui appartient pas. Là c'est des balades à n'en plus finir, si on veut, le Fossard. Géologiquement aussi, tu dis, François, Éloie. Ah oui. Les cuveaux. La tête des cuveaux, c'est un phénomène d'érosion du grès, c'est des galets qui ont tourné, qui ont été entraînés par un cours d'eau qui ont fait des cuvettes presque parfaites. D'accord. Ça s'appelle les marmites de géants dans d'autres régions. C'est pas ces pierres là qu'on voit, ces roches qui sont... C'est des creux, hein. C'est des grandes roches, mais creusées. C'est pas près d'un étang. C'est tout en haut de la montagne. Je confonds la tête des cuveaux, ça. Mais c'est une belle promenade, hein. C'est pas très très loin. C'est bon, il y a de l'altitude quand même. Ça sert de faire un guide touristique ce soir, parce que tu découvres des choses. Ah oui, oui. Je t'y amènerai un jour. On a tous des choses intéressantes à voir à moins de 5 km de chez nous. Des trucs qu'on n'a jamais vus. On verra ça plus tard, une autre fois. Alors, on va passer à notre commune, parce qu'on reviendra peut-être à Éloie plus tard sur les sites touristiques, si on a le temps, bien entendu. Le Giremont-Val d'Ajol, cher à Félicie. Altitude 480. Pas plus que. Altitude maximum 755 mètres. J'étais étonné parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup plus haut, tout le village était beaucoup plus haut, mais il y a des points bas. Oui, oui, oui, 480. Hein. On monte beaucoup, on a droit pour y aller, mais après on redescend aussi. Hein, donc, oui, oui, c'est la plus petite commune, hein, c'est la plus petite commune, un nombre d'habitants, bien sûr, pas en superficie, avec 241 habitants seulement. Ben oui. Ouais. Hein, c'est vraiment sur le plateau, c'est vraiment isolé, c'est au bout du monde. Hein, et eux, il me semble, j'ai cru lire dans les clés de Remiremont, que chaque en été, chaque je sais plus, c'est un jour précis, un vendredi ou un je sais pas, c'est un soir de la semaine, il y a des animations. Ah ben oui, bien sûr. Il y a des marchés nocturnes, je crois. Il y a la foire artisanale. Je sais pas s'il le faut encore cette année, mais il y avait des marchés nocturnes. Des marchés nocturnes. Tous les ans, il y a des marchés nocturnes. Oui, voilà, c'est ça, c'est le marché. Il y a un monde fou, d'ailleurs. Et puis, il y avait une activité au Giremont, dont on parle peu, mais qui était vachement intéressante, je ne sais pas si ça existe encore, c'était l'aéroclub. Il y a un club du ULM, là-haut, dans les champs. Moi, j'ai pris l'ULM là. On allait faire un tour au-dessus du Val d'Ajol. J'ai fait des photos. Il faudra que je vous les montre à l'occasion parce que c'est vraiment chouette. Hein, ça vaut le coup. Hein. Ouais, ouais. On n'en parle pas assez. À propos du... Enfin, non, c'est plus le Val d'Ajol. Enfin, je ne sais pas si c'est le Giremont Val d'Ajol. C'est, ah, mais Val d'Ajol, on va en parler je après. Pas, je ne vais pas faire une pub parce que, de toute façon, je ne me rappelle plus du nom de l'auberge. Mais il y a une auberge située sur le flanc entre le Val d'Ajol et le Giremont. C'est une auberge, il faut y aller, il ne faut pas louper ça. Quoi. L'auberge est complètement rénovée. Il y a la fontaine qui coule dans une pièce. Dans une autre pièce, il y a un piano avec des animaux. Je déteste les animaux empaillés. Enfin, j'ai horreur de l'empaillement. Mais franchement, il y a un renard empaillé. Ils lui ont mis un cigare dans la bouche. Et puis, ils lui ont mis des lunettes de soleil de pilote. Et franchement, ils se moquent bien de nous. Hein. C'est chouette. Voilà. Alors, la commune est située à 12 km de Plombières-les-Bains. Le village se trouve au cœur d'une nature préservée. Ça, on le savait. Un marché nocturne devenu incontournable. Ça, absolument. Hein. Tout le monde va au Giremont, hein. Touriste ou pas. C'est l'activité principale. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a plein de produits du terroir qui sont intéressants à découvrir. Donc, chaque été permet aux visiteurs d'apprécier tous les produits et savoir-faire locaux. Son habitat est très dispersé. Ouais. Plus de 20 lieux dits au Giremont. 20 lieux dits ? Oui, à travers une nature aux mille facettes, point de vue, ligne de partage des eaux, hein, puisque la ligne de partage des eaux entre mer du Nord, Méditerranée, ça se situe sur le Val d'Ajol, Plombières, etc. À travers une nature aux mille facettes, donc, on disait, hein, partage, source de la Combeauté, hein, qui a un affluent de la Saône, les ruisseaux, cascades, tourbières, meugères, vestiges de moulins, fontaines, chalots. Il y a des chalots. C'est quoi des chalots, Michel? Ah, les chalots, c'est des petites... Des petites barques? Tu devrais savoir. Toi, c'est toi, des toi, petites qui... barques? Non. C'est des petites... c'est des petits hangars. Ah, comment qu'on peut les définir? Là, tu mérites une punition, là. Ah oui, il va falloir faire une émission sur les chalots. On va te punir, je ne sais pas ce que ça va être, mais tu as une punition. Des questions, quand je ne sais pas quelque chose, non, je te demande. C'est des petits, comme des chalets, hein, ça, le mot chalet, mais dans lesquels on n'habite pas. D'accord. C'est des chalets qui se trouvent à l'extérieur de la ferme, dans lesquels on mettait, il y avait des compartiments, on mettait les récoltes de blé, les pommes de terre, etc. Oui. Et puis les papiers, éventuellement les bijoux, tout ce qui avait beaucoup de valeur, ce qui était précieux. Parce que autrefois, les fermes prenaient souvent feu à cause du fourrage qui fermentait et à cause de la foudre. Oui, donc la foudre, on mettait en dehors, dans un bâtiment à côté où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas de feu, où il n'y avait rien du tout, on mettait ce qui était vachement important. D'accord. Et les gens qui étaient locataires d'une ferme, ils construisaient leur chalot dont ils étaient propriétaires. C'est-à-dire que s'ils venaient d'aménager, ils changeaient de ferme parce qu'ils voulaient une ferme plus grosse ou ci ou ça, eh bien, ils déménageaient le chalot. Ah d'accord. Ils étaient locataires de la ferme, mais propriétaires du chalot. Et des meugères, tu sais ce que c'est? Parce que là je découvre le mot. Je sais pas. Il faudra que nos auditeurs peuvent éventuellement... Oui, ils peuvent nous appeler 0329 62 40 c'est, 30. C'est mentionné dans ce guide. Hein. Les fameux chalots, quoi, une trentaine d'étangs. Alors, je suis étonné que tu saches pas ce que c'est qu'un chalot, alors que tu étais un peu au bord des étangs là-haut, hein, parce qu'il y a des chalots, au milieu des étangs. C'était plutôt des fours à pain. Ah oui, des fours à pain qu'on trouve là-haut. Oui, mais c'était dans les fermes, c'était directement dans les remises. Non, c'était construit à l'extérieur. Ah bah, oui, à cause du risque d'incendie aussi. Je me rappelle qu'on a fait du pain une fois dans une ferme, comme ça, dans un écart du Val d'Ajol. Et le four, il était carrément en dehors de la ferme. Oui, c'est ça. Et alors, c'était marrant parce que c'était en hiver et il faisait un temps exécrable. Ouais. Et la première ferme, elle était peut-être à 200 mètres de là. Ouais. Et bien, malgré la distance, les gens, ils sont arrivés en disant, tiens, vous êtes en train de cuire du pain. Oui. Ça sent bon. Il y a une trentaine de temps. Hein. Il y a une trentaine de temps. Ah oui, quand même. Sur la commune du Girmont. La commune du Girmont, il y a une trentaine d'étangs. Hein, un peu comme en Haute-Saône, qui est proche. Hein, c'était un moyen d'avoir du poisson toute l'année, disons. Mm-hmm. Hein. 21 croix de chemin, sans oublier le ski de fond et la pratique de la raquette en hiver, oui, bien sûr. Hein. C'est plat, c'est vraiment merveilleux. Et puis, Croix de chemin, Girmont, Val d'Ajol, il y en a beaucoup. Hein. Et puis, il y en a qui sont très belles. Hein. Oui. Avec une vie associative très, très, très active. Alors, on va passer au Val d'Ajol. On va peut-être s'accorder une première pause musicale, si tu as de programmer. Oui, juste une chose, Michel. En fait, j'ai lu dans Les Clés de Remiremont, aujourd'hui, effectivement, j'appuie sur ce que tu dis, une vie associative très riche. Très riche au Girmont. En fait, ils se débrouillent, j'ai appris qu'ils se débrouillaient, c'est les associations qui payent la mairie, au lieu du contraire. C'est pas la mairie qui va payer les associations, c'est les associations qui paient la mairie. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de revenus. Hein. Bah oui, forcément. Ils sont obligés de s'arranger avec les mairies du Nord. Et puis, il y a une association de Patois Lorrain. Oui, aussi. C'est vrai qu'il y a une... partagée avec le Val d'Ajol. Hein. Il y a une vie associative très très forte là-bas. Mais je crois aussi que Girmont n'a jamais été absorbé, Girmont-Val d'Ajol n'a jamais été absorbé par le Val d'Ajol. Hein, alors qu'il y avait eu des projets dans le sens-là, à un moment donné. Si le Val d'Ajol avait absorbé le territoire du Girmont, c'est devenu la plus grosse commune de France. Oui, pour le territoire, oui. Ah oui, le territoire est largement. Oui. Ouais. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait, il y a sans doute une raison. Ben, Faudrait gratter dans l'histoire. Il y aura sûrement des trucs intéressants à découvrir. Hein. Oui, puis en même temps, je pense qu'il y avait une volonté des habitants là-haut de garder leur autonomie, de faire quelque chose ensemble. Ouais. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y avait ce désir de garder. Alors le Val. Ah, le Val d'Ajol, on dit toujours le Val chez nous. Ah. Altitude 337 mètres. C'est bas, hein. C'est bas le fond du Val d'Ajol. Mmh. Et 723 mètres au plus haut. Il y a 3922 habitants. Combien, Michel ? 3922. Oui, c'est bien. Il fut un temps où le Val d'Ajol faisait plus de 5000 habitants. Hein. Oui, mais quand il y avait des industries et de l'agriculture, beaucoup. Il y avait beaucoup d'industries aussi. Tout est parti à la baisse. Hein. Ah ouais. Énormément d'industries. Ah ouais. Située à 10 km de Plombières, la commune doit sa notoriété grâce à sa spécialité, l'andouille du Val d'Ajol. Eh oui. Elle est bonne, hein. Sur la télé... La musulmans, ben oui. Sur la télé d'Épinal, l'autre fois, il y avait tout un documentaire sur la fabrication de l'andouille du Val d'Ajol. Oui. Et la journaliste qui était là, on sentait qu'elle avait faim. Oui. Qu'elle était pressée que l'émission soit terminée pour goûter l'andouille. Hein, vous voyez. Figurez-vous que moi, j'adore ça, je trouve mais ça la délicieux. La vraie andouille, elle est vraiment... C'est délicieux. Hein, mais c'est délicieux. Malheureusement, il y a des andouilles qui ne sont pas forcément des andouilles. Pas forcément fabriquées par des andouilles. Alors, je ne sais pas d'où vient le mot andouille, l'étymologie, mais ça s'applique aussi à des gens qui sont un peu bébêtes. Hein. Mais j'avais demandé à quelqu'un, là je suis bébête. Emprunté, on va dire. J'avais demandé à quelqu'un la particularité de l'andouille du Val d'Ajol. On m'avait dit que c'était de la saucisse plus de la saucisse de Morteau, c'est ça ? Non. Non, oh là là ! Si tu dis ça aux gens du Val d'Ajol qui fabriquent de l'andouille, alors là, ils vont gronder. Tu vas t'attirer des ennuis avec Morteau. Là, tu auras une deuxième punition, Félicie, là. Alors là... Je mélange un peu tout, je ne sais pas trop, moi. J'ai été élevée dans... Ça ressemble à la saucisse de Morteau. Oui, non, c'est fait avec de l'estomac de porc, c'est fait avec... C'est de l'andouille, c'est une recette différente de la saucisse, hein. Donc c'est l'estomac de porc et quoi Il y a différentes épices, parce que c'est pareil, ils disent, il y a une recette type, disons, pour qu'on ait le droit de dire andouille du Val d'Ajol, mais chaque fabricant d'andouille, il a ses petits secrets. C'est-à-dire que tu achètes des andouilles chez un tel, tu vas 200 mètres plus loin, tu achètes de l'andouille, c'est pas tout à fait le même goût. Hein. On ne dira pas, parce qu'on ne fait pas de publicité, on ne dira pas chez qui, quel commerce l'andouille est la meilleure. Oui, mais enfin... Au Val d'Ajol, on nous dit toujours, c'est chez un tel que l'andouille est une bonne andouille. Mais en matière de cuisine, il faut tout goûter. Il ne faut pas dire celui-là, c'est le meilleur, parce que ça plaît à un, puis ça plaît moins à un autre. Revenons à nos cochons... Il y a des tomates porc, des épices, et puis quoi ? Oh, mais il y a plein de tas de choses. Je ne sais plus, ils l'ont dit l'autre fois dans l'émission de télé, mais je n'ai pas retenu. Il faut demander à un spécialiste. Oh là là, nous, on n'est pas spécialistes. J'avais demandé au boucher, là où je vais acheter ma viande, mais il ne m'a pas trop répondu. Bah non, parce que c'est un peu secret de fabrication aussi. Hein. Ouais. Non, mais ils disent quand même les ingrédients principaux. Hein. Si on insiste un tout petit peu. Là, à la télé, il les a dit sans problème. Hein. Mmh. Et alors, il parlait à la journaliste tout en continuant à fabriquer. Il faut voir à quelle vitesse il attachait ses andouilles. Hein. Ouais, un sacré coup de patte. Hein. Oui, oui. Ah, dis donc. Mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est quelque chose qu'on achète facilement, nous, ici, hein, c'est vrai. Ça se mange tout seul, ça, c'est... Ben voilà. il faut croire que vous êtes plus passionné par la cuisine que par les sites. Hein. Allez, on avance, autrement, on n'arrivera jamais jusqu'au bout. Alors, voilà. Que dire encore sur le Val d'Ajol ? La foire aux andouilles, c'est le troisième lundi de février, mais ça, c'est habituel. Commune la plus étendue de Lorraine. Elle présente un patrimoine architectural et culturel préservé. L'église avec ses objets classés, retable, Pietà, Christ et croix, chair. Le prieuré des Rivales, ancien monastère, les Chalots, toujours des Chalots, annexe de ferme typique des Vosges saunoises, les toitures en lave, ainsi qu'un nombre important de chapelles, croix, au minimum 145 croix de chemin, dont 3 sont classées monuments historiques. Lavoirs et fontaines. Ah oui, j'ai découvert les lavoirs du Val d'Ajol. Ils sont un peu spécifiques au Val d'Ajol. Là. Ah oui. Ah bon. Avec ces grandes pierres de grès là, qui servaient à savonner de l'eau. Mais les villages de France, ils ont tous leurs spécificités. Hein. Ça vaut le coup de gratter un petit peu pour savoir l'histoire du village. Ouais. Parce que bien souvent, il y a des coutumes qui sont très différentes du village à côté. Hein. Ah oui. Il y a 70 hameaux dans la commune du Val d'Ajol. 70 lieux-dits hameaux. Dans la commune du Val d'Ajol. Que vous pourrez découvrir à travers les 150 km de randonnée balisée. C'est énorme, le Val d'Ajol. Ouais. C'est vrai que ça vaut le détour. Ça vaut d'y habiter aussi, hein, pendant les vacances. Absolument. Pourquoi pas. Il y a des tas de choses à faire, bien sûr, ça manque. La mer manque. Hein, et la mer n'est pas loin, hein, puisqu'il y a Fauconnier et la mer. Et la mer. Et d'ailleurs, je voulais en parler. Mais ça, c'est autre chose. On s'éloigne, là. Mais on est tout près, quand même, de Fauconnier, de Cervance, de Melisée. Bon, c'est vrai, je le dis toujours, j'ai déjà vu Fauconnier, mais jamais vu la mer à Fauconnier. Il y a tellement d'étangs que ça fait une mer. Peut-être, ou que c'est une autre étymologie, une autre origine. Bon, on va passer à Plombières-les-Bains, quand même, qui est célèbre dans le monde entier, c'est pour Plombières-les-Bains. C'est une station thermale réputée depuis les Romains, il faut bien le dire. Et puis remis au goût du jour par Napoléon III et Eugénie de Montierot. Et c'est situé à 15 km d'Ormiremont, c'est assez rapide, et y aller par la voie rapide. Une ville thermale, marquée par 2000 ans d'histoire, patrimoine historique incomparable. Elle fut, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, lieu d'un habitat celte. Ce sont les Romains qui, lors de la conquête des Gaules, y découvrirent des sources d'eau chaude et fondèrent la station. Alors, il y a une autre version qui est dit que, de toute façon, c'était des jeunes... Hein, qui fuyaient un petit peu des persécutions, parce que peut-être qu'ils ne devaient pas se marier, qui avaient découvert les sources, avant le 5e siècle. Oui, mais on dit que c'est les Romains, mais si ça se trouve, c'était déjà les Gaulois. Hein. Ah ben c'était les Celtes, oui. Ça, on ne le saura peut-être jamais. Hein. Les Celtes. Il n'y a pas de document écrit, il n'y a rien pour dater. Il y a quelque chose qui m'a vraiment intriguée quand j'ai découvert Plombières petit à petit. La vieille ville est vraiment napoléonienne et voilà avec est romaine, tout ce qu'elle a de romain. Mais dès qu'on passe derrière les maisons, il y a des petits chemins qui montent dans le petit village, le petit coin de ville. On monte et alors là, on se croirait à Gênes. Il y a des jardins, avec, c'est tout coloré, il y a les fleurs, il y a le linge qui pend. Ouais. Et c'est la ville aux mille balcons. Oui, c'est la ville aux mille balcons. Ouais. Alors les balcons en fonte ou en fer forgé, ils sont beaux. Oui. Il y en a quelques-uns qui sont beaux. Et ils donnent un cachet à plombière, mais dès qu'on passe dans la cour des maisons, c'est un autre cachet. C'est plus pauvre, mais c'est plus... je ne sais pas, c'est un côté un peu... Ce qu'il faut savoir, un peu génois, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Romains ont installé une piscine d'eau thermale chaude, mais c'était surtout pour les soldats romains au départ. Hein, la station est malmenée lors des invasions barbares, mais renaît à partir du Moyen-Âge. Au fil des siècles, d'illustres curistes vont s'y succéder. Les ducs de Lorraine, bien sûr, et leurs cousins, les ducs de Guise, mais aussi Montaigne, Louis XV. Oui. Voltaire, Beaumarchais, Joséphine et Hortense de Beauharnais, Napoléon III, Berlioz, Lamartine et encore Alfred de Musset, et même Maupassant, Feydeau, Alexandre Dumas fils sont venus guérir leurs maux aux eaux de plombière. Et puis il y a une plaque qui rappelle que c'est là que Cavour, le représentant de l'Italie, est venu négocier avec le gouvernement français l'unité italienne. Parce que l'Italie était morcelée en tout un tas de provinces. Et les Italiens voulaient reformer leur pays comme du temps des Romains. Hein. Et puis il n'y avait pas moyen parce que l'Autriche d'un côté les empêchait, parce que, etc. Et Cavour s'est mis d'accord avec Napoléon III. Ils se sont rencontrés à Plombières. Oui, et en échange, on a reçu la Savoie. Le comté de Nice. Eh oui. Et le comté de Nice, il ne faut pas l'oublier. Nice faisait partie de cette nébuleuse. Donc il n'y a pas forcément besoin de guerre pour régler les problèmes du territoire. On peut se mettre d'accord sur une feuille de papier. Bien sûr. Donc aujourd'hui, ville coquette et animée, Plombières, la station thermale bimillénaire qui soigne les affections intestinales et rhumatismales de mars à novembre. Dans un cadre authentique et historique, le centre spa balnéo romain Calodoé offre toute l'année tous les plaisirs de ses ressources et d'être en harmonie avec son corps. Voilà, même si on n'est pas malade, ça fait du bien. Une ville aux rues étroites qui donne une ambiance particulière. L'aspect pittoresque repose sur ces maisons d'époque 18e, 19e, paré de détails architecturaux et balcons en fer forgé, fonte, moulé, voire en bois. Plombières est appelée la ville aux 1000 balcons. D'ailleurs, on compte 1001 balcons. Ah. Tout aussi insolite et unique, les jardins en terrasse. Ah oui, les jardins en terrasse. C'était une création récente. C'est ça que je voulais dire, Michel. En fait, on passe dans des ruelles et on se retrouve dans la vie quotidienne, c'est-à-dire les femmes dans le temps qu'il avait, les draps, tout les lavoirs. Il y a le lavoir encore, mais c'est quand on la zone dont je vous parle, elle est derrière le lavoir. C'est tout ce qui est derrière toute la petite ruelle là, oui. Et il y a des commerces chouettes aussi. On va se faire une pause musicale et puis on va essayer d'activer, hein, parce que même pas Paris Dormirement, qui est comme la ville principale. Allez, une pause musicale. Tu nous as entendu. Dit quoi ? Alors je vous propose, puisque l'indicatif est une musique classique et qu'on n'a pas pu le passer, eh bien en compensation, je vous propose Ludwig van Beethoven, symphonie numéro 5. C'est un bon lot de consolation quand même. La cinquième, Je ne sais pas si Beethoven était prendre les eaux à Plombières. Oh, c'est pas impossible, mais en Allemagne et en Autriche, on a aussi mal de stations thermales. Donc, c'est pas obligé Baden-Baden. Puis même dans les Vosges, il y a bien les bains, et puis en Allemagne, il y a Baden-Baden. Mais si ça veut dire la même chose. Baden-Baden. Oui, c'est ce qu'il faut aussi. Thank you. Allez, pardon, monsieur Beethoven. Eh ben voilà. On a beaucoup de choses à raconter, Michel a tout un truc. Ben oui, on discutait sur Beethoven en aparté. Hein. Moi, je découvre des choses parce que, bon, dans la grande musique. C'était quelqu'un, Beethoven. Dans ce type de musique, ben, je ne suis pas très ferré, on va dire. Il a terminé. Je connais mieux Léo Ferré. Il a terminé, il a terminé sourd, Beethoven. Oui. La dernière symphonie qu'il a dirigée, il était dos au public, face à l'orchestre. Il dirigeait le truc, et puis il n'osait pas se retourner parce qu'il n'entendait pas les applaudissements. Les gens étaient debout, ils applaudissaient en tout cas, et lui, il ne s'en rendait pas compte. C'est quand il s'est retourné qu'il a vu que c'était un succès. Mais jusque-là, il avait la trouille de se retourner. Il croyait que c'était un bide. En vieillissant, il est devenu sourd. Donc, quand même, un musicien sourd. C'est quelque chose de terrible quand même. Hein. Mais il devait avoir tout en lui. Oh oui, bah il entendait toute cette musique dans sa tête, il l'a écrite. Oui. Et je pense que. Enfin bon. Ah ben Mozart il passait dans la rue, il entendait un musicien qui jouait du pipeau ou du violon, n'importe quoi, un air qu'il n'avait jamais entendu. Il rentrait, il prenait sa plume et il notait. Il avait tout retenu. Ouais, ouais. Et il retenait la musique comme nous on retient d'autres choses. C'était des personnages quand même. Hein. Bon, on va revenir à nos moutons des bruits. On va revenir à Remiremont. Remiremont, c'est la grosse commune, altitude 400 mètres au point bas, 780 mètres au point haut, et il y a 8127 habitants. Ça remontait un tout petit peu Remiremont. Hein. Ouais. Ben oui, il fallait, parce que. Un tout petit peu, hein, parce que Remiremont était descendu en dessous de 7500 environ. Hein? 7500 environ, on était descendu. Non, un peu plus. De 12500, on était descendu à 7500. Il y a eu. Bah oui, il y a eu tellement d'entreprises qui ont fermé, tellement de chômeurs que. Voilà. Situé à 15 km de Plombières-les-Bains, Remiremont peut s'enorgueillir de son exceptionnelle situation géographique, véritable intersection européenne sur l'axe Benelux-Bâle, à la jonction des vallées de la Moselle, de la Moselotte, de la Combeauté et de l'Haut-Rhône. La ville desservie par le TGVS exerce son influence sur une grande partie des Hauts-de-Vosges. C'est un point de départ hein, aussi. C'est une ville chargée d'histoire. Celle-ci, sur la création au 7e siècle par Romaric, noble de la cour d'Austrasie, et Amé, moine prédicateur de Saint-Colomban, d'une communauté religieuse féminine, vouée au départ à la prière et la méditation, qui deviendra au XIe siècle un chapitre noble. Oui, parce que le duc de Lorraine était passé par là, en même temps. En quelle année ? C'est l'Empire germanique. À quel siècle, Michel ? XIe. XIe, d'accord. Et dont l'abbesse siégeait à la diète du Saint-Empire avec rang de princesse. Elle ne dépendait que du pape sur le plan spirituel. De ce passé glorieux, Remiremont a su conserver et mettre en valeur son riche patrimoine concentré autour de son centre historique et composé de l'église, du chapitre des dames du XIIIe siècle, de sa crypte romane du XIe siècle, classée au monument historique, du palais abbatial du XVIIIe siècle, de style classique, et des maisons canoniales du même style. Ville moderne appelée La Coquette, elle conjugue le plaisir de la détente avec sa grande rue, arcade, recelant un nombre de boutiques à la pratique d'activités, loisirs, etc. Puis bien sûr, c'est le point de départ pour pas mal de choses. Puis maintenant, il y a un plan d'eau aménagé. Oui, alors ça, faut en parler, parce que le plan d'eau, c'est super. Hein, c'est parce que Félicie l'aime bien, elle nous l'a dit tout à l'heure. Comment ? Elle aime bien le plan d'eau, Félicie, elle nous l'a dit tout à l'heure. Non, mais j'aime bien que les villes ou les villages aient leur plan d'eau, pas au sens communal, enfin politique de l'histoire. Que chaque village ou chaque ville ait son endroit pour que les gens se baignent, comme Paris Plage, comme le lac à Saussures. Bah oui. Moi j'aime bien qu'il y ait un espace. Mais c'est partagé quand même avec Saint-Étienne normalement. Oui. Je crois que Saint-Étienne. C'est tout le territoire d'Remiremont entièrement. Alors c'était moitié-moitié et Saint-Étienne a abandonné ses droits au profit de Remiremont. D'accord. D'accord. Ouais, c'est un bel espace. Hein. Alors. On va qu'est-ce qui complète bien Remiremont, c'est quand même Saint-Amé. Hein, parce que Saint-Amé, sur ses hauteurs, c'est quand même l'origine de Remiremont. Alors, altitude 399 mètres. 750 mètres au plus haut. Je crois que c'est dans le massif du Fossard. Hein. Et il y a 2250 habitants. C'est une commune qui s'est quand même relativement développée. Combien ? 2250. 2250. Située à 6 km d'Remiremont, hein, ça touche quasiment. Les Remiremont. Communes de autour de Remiremont se sont développées un peu au détriment de Remiremont. Parce oui. qu'il y a une époque peut-être que les impôts locaux étaient peut-être un tout petit peu élevés. Donc voilà. Les gens trouvaient que les terrains étaient moins chers. Et, ouais. Et puis on pouvait bâtir, tandis que Remiremont, ben, c'est resserré dans ses murs, mais enfin dans un petit bout de vallée. Le village tire son nom du patron de la paroisse, le moine colombaniste Saint-Amé. Alors la doctrine de Saint-Colomban, il paraît que c'était vraiment terrible. Hein. C'était assez strict. Et les filles de la cour de Strasy se faisaient dresser là-haut. Hein. C'est moi qu'on a pu se dire. Qui fonda avec Saint-Romary, bien sûr, le monastère du Saint-Mont en 620. Et Saint-Romary, il a accepté de participer à une horreur comme ça. Ah non, mais à l'époque, on faisait obéir. Bah, tu sais, les moines irlandais, c'était pas. C'était, non, mais les c'était aussi, des très, c'était très, dur, très, très hein. doctrinaires. On dirait aujourd'hui des intégristes. Hein. Mm. Il y avait l'autoflagellation, il y avait des trucs comme ça. Eh oui, bah oui, il fallait gagner son âme pour le paradis, il fallait gagner son âme sur terre. Hein. Bah, on n'est pas né pour se faire souffrir, quoi. Ouais. Mais il y a encore des régiments en France et ailleurs où la discipline est très dure. Très et là, dure. C'est des mecs. Hein, ouais. Par exemple, la Légion étrangère, moi j'ai vu un documentaire à la télé où on montre que pendant 3 mois, on a fait baver aux gens pour que soit ils s'en aillent, découragés, ou alors s'ils restent, c'est qu'ils ont vraiment envie de rester. Hein. Mais il n'y a pas. Alors, donc c'est le berceau de la puissante abbaye de Remiremont, puis pas Remiremont existait quand même, hein, mais disons que c'est le départ de l'extension de Remiremont par la suite. Ça aurait été construit sur les ruines d'un oppidum gallo-romain. Les fouilles récentes disent il y avait bien un oppidum romain. Oh. Fouilles récentes. C'est quoi un oppidum? Ah ben, c'était un lieu fortifié. Une sorte de château fort, si tu veux. Hein. Oui. Fortifié, militaire. Voilà. Si oui, c'était une enceinte fortifiée. Un fort. D'ailleurs, quand on... Mais ça, c'est pas une certitude. Hein. Les archéologues... Bah, si, parce qu'il y a quand même une enceinte romaine. Ça, c'est sûr. Oui, mais ça, on l'a dit longtemps, mais moi, j'ai entendu des archéologues il n'y a pas longtemps... qui sont bien branchés et qui participent aux fouilles, etc., et puis qui fréquentent les lieux qui leur permettent de savoir les choses, qui ne sont pas d'accord avec cette histoire d'oppidum. Hein, c'est... Ah, oh, bah alors là... Je sais pas, le papier, ça sait s'écrire. Hein. En allant de la place de l'Âtre Tassigny à la place du commissariat et de l'église, il y a une tablette... On a cet ami là, oui. Depuis Remiremont. Hein. Oui. Oui. Non, mais Remiremont, il y a une tablette, on voit effectivement les anciennes fortifications. Oui, oui, mais oui, ça, c'est les fortifications de la ville, de Remiremont, de la ville. Et puis cette fameuse. Cette fameuse pierre franche qui a donné son nom à la rue de la Franche-Pierre. Ah, c'est quoi alors, Saint-Michel? Alors, c'était une pierre sur laquelle. Le duc de Lorraine. Il avait un droit de douane, hein, je crois. Oui, le duc de Lorraine s'arrêtait, quand il venait à Remiremont, il devait s'arrêter, descendre de cheval et quasiment mettre un genou à terre. Même si la chanoinesse était sa sœur, par exemple, eh ben, il devait quand même faire cet acte de révérence vis-à-vis des chanoinesses de Remiremont. Hein, voilà, tout duc de Lorraine qu'il était. Il y avait aussi quelque chose de commercial derrière tout ça. Ah ben il y a eu l'octroi. Ah, c'était parce que l'octroi, oui, l'octroi, ben, mais aussi il y avait la franche, Pierre. Ah, oui, c'est possible qu'il y avait un droit de péage à payer là. Mais enfin, bon, je ne suis absolument pas... Et puis, il faudra qu'on invite la société d'histoire locale pour en parler un peu plus savamment que moi, parce que je me trompe peut-être. Les voies de communication, et donc vers le Saint-Mont, culminent à 675 mètres d'altitude, et le Saint-Mont offre un point de vue unique sur Remiremont et ses vallées. C'est magnifique, hein. Si vous faites du tourisme sur Remiremont, ou même si vous êtes habitant de Remiremont récemment, de Saint-Amé, du secteur, parce que moi j'ai découvert tard le Saint-Mont, un habitant vanier. Il faut y aller une ou deux fois par an. Il faut y aller une fois au printemps, par exemple, et puis une fois à l'automne, parce que ça vaut la peine. C'est vraiment beau coup d'œil. Hein. Oui. On fait de belles photos depuis là-haut. C'est pas voir Venise et mourir, hein, c'est voir le Saint-Mont. Non, mais c'est pareil, c'est kiff-kiff. Donc c'est un point de vue unique, il est l'objet de recherches archéologiques, ça on l'a dit, afin de mieux connaître l'histoire de ce lieu culturel occupé depuis la nuit des temps. En revanche, dans l'église... Alors, pour l'anecdote, quand même, quand tu dis qu'il n'y avait pas de d'oppidum gallo-romain ou romain, j'avais invité un jour une voyante, ici, dans un magazine de l'Istrance et du Mystère que je faisais par un temps sur RGM, et qui voyait, et qui avait vu, justement, elle revenait dans le passé, elle voyait justement l'invasion du Saint-Mont, et puis des Romains, enfin des centurions, qui luttaient pour, ouais. Pied à pied, ouais. Pour, par rapport à des invasions. Voilà, bon, c'est pour l'anecdote, hein. Je ne sais pas si cette dame-là, elle voyait véritablement, mais elle me semblait sincère, vous voyez. De quoi dire, Sans doute, dire. Alors, on va aller à Saint-Étienne-Hermiremont, puisqu'on y est implanté. C'est quand même notre ville de prédilection, hein, Saint-Étienne. Nous, on est là, hein. On est là ce soir-là. Et c'est quand même aussi une grosse agglomération. Autour d'Hermiremont, il y a quand même des grosses agglomérations qui ont prospéré. Hein. Il y a 3981 habitants. Et l'altitude, c'est la grande distorsion, Saint-Étienne, puisque point bas, 370, ça va jusqu'au cimetière d'Allois. Hein. Mmh. Et puis, point haut, 819, hein, quand même. Mmh. Je crois que c'est... Je ne sais pas si ce n'est pas vers le plateau de la Mai. Ah, dans le Fossard, non, non, pas du tout. Non, le plateau de la Mai, c'est autre chose. Non, c'est dans le massif du Fossard. Oui, dans le Fossard. Je me demande si le col du Singe, par exemple, si les sommets autour du col du Singe, ce n'est pas Saint-Étienne-Hermiremont. Les contours de Remiremont, de Saint-Étienne, etc., c'est compliqué. Hein. Et n'oublions pas... On passe d'une commune à l'autre très facilement. Et n'oublions pas la poêle sauvage. N'oublions pas la poêle sauvage où encore est implanté notre émetteur. Ah ben là, oui. C'est quand même un point haut de Saint-Étienne et Remiremont. Voilà, alors, confluent de la Moselle et de la Moselotte, a connu une expansion très importante au XXe siècle, avec une industrie, une agriculture florissante. Saint-Étienne est devenu le siège de garnison des célèbres 5e et 15e bataillons de chasseurs à pied. Ah ben oui, on a implanté dans les bâtiments des casernes. Ben oui, on est actuellement dans un bâtiment qui était construit à l'époque des casernes. C'était une caserne aussi. C'était parmi les casernes de Saint-Étienne-Hermiremont. Ben c'était beaucoup... Dans les années 1880-90, après la guerre de 70. Après la guerre de 70, ouais. les casernes se sont bâties ici, puisqu'on n'était pas loin de la zone frontière. Hein, ben la zone frontière c'était la ligne de crête, la route des crêtes. Au-dessus de Gérardmer, hein. au-dessus de la Bresse. Voilà, la commune compte 3277 hectares avec plus de 70% de forêt, couvrant deux massifs dans le Fossard, situés au nord de la ville, qui cumulent à 812 mètres. Voilà, et recèle des sites naturels d'exception. Voilà pour Saint-Étienne-Hermiremont. Hein, c'est pareil, hein, le massif du Fossard mérite vraiment d'être découvert. Il y a plein de problèmes à faire, hein, le massif. Voilà, on vous propose un peu de musique. Je vous propose, puisqu'on parlait du tourisme, qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont dans nos murs en train de visiter les Vosges, je vous propose la Parisienne par Marie-Paul Bell. Ah oui, pourquoi pas. Bon, tiens, on va gêner. Ça nous changera des Vosges. Oui. Les Parisiens sont dans nos murs. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief, m'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, on me blâme. Je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe, ça existe. Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique, ça se complique. Oh, dis le psychanalyste. journaliste que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Mais si, me dit le docteur en se rhabillant, après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin, je fais partie de l'élite. Ça va vite, et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vante en serrant très fort la main du voisin, me sachant original. Je cavale, j'assume ma libido, je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne, je me surmène et je connais la détresse et le cafard et le stress. Enfin à l'écologie, je m'initie et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons et loin de la pollution. Je vais tondre mes moutons et loin de la pollution. Je vais tondre mes moutons. Alors, une petite anecdote par rapport aux Parisiennes. Quand on a manifesté dans les rues pour Adémat, donc c'était jeudi de la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'était le 12 juillet de toute façon. C'était le 12 juillet. La semaine d'avant. On a rencontré des Parisiens, parce qu'on circulait sur les trottoirs, on distribuait des tracts pour expliquer ce qui se passait un peu au niveau de l'hôpital de Remiremont, et on a vu quand même pas mal de Parisiens qui étaient venus en vacances là. Et bien sûr, il y avait aussi des Allemands, des. Elle était où la manif? Hollandais, on ne devrait pas dire des Hollandais. À Nancy ou à Épinal? Ici, la manifestation. Ah oui. Je parle d'Armièrement, je m'éloigne pas. Hein, ah oui, il y avait des touristes. Pas en haute zone. Hein. Non. Non, même non. Pas. Hein. Quand on parle des Milletans, on parle des Milletans du côté du Girmont et du Val d'Ajol, pour le moment. Ouais, on en parlera une autre fois de la haute zone. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Oui. Alors, Saint-Nabord. Altitude 420 mètres. C'est étonnant, le point bas de Saint-Nabord est quand même moins bas que Éloy ou Saint-Étienne. Et il y a 4321 habitants. C'est quand même une grosse agglomération, Saint-Nabord. Saint-Nabord a profité en quelque sorte d'être un peu la banlieue de Remiremont, et puis là maintenant d'être très industriel par un temps. Hein, c'est beaucoup construit. Il y a une époque qui avait Montefibre, qui a disparu, mais qui a été remplacée par une des plus grosses industries agroalimentaires de Lorraine, hein, c'est Thiriet. C'est Thiriet, ça représente quand même des centaines et des centaines d'emplois. Alors, donc, 4 km de Remiremont, ça touche à Remiremont. Hein. On sait qu'au Bruchotte, on ne sait pas trop où est la limite des deux communes. Il faut être initié pour savoir. Ce territoire de 3850 hectares, c'est très gros aussi, la commune de Saint-Nabord, s'étend sur la rive gauche de la Moselle. Pas du tout sur la rive droite, hein. De l'autre côté, c'est l'Oie, nous l'oublions pas. La forêt occupe une place de choix dans ce ravissant et bucolique paysage naturel, aux nombreux étangs, idéal pour la détente et les loisirs. Saint-Nabord propose des kilomètres de sentiers balisés, deux sites d'escalade, et le long du canal, une promenade idyllique, aux airs de Butte-Chaumont, égarer la campagne. C'est pour ça que tu avais passé les Parisiennes, tu avais déjà anticipé, c'est ça? Avec une moraine d'exception, classée à l'échelon national comme site scientifiquement exceptionnel. Voilà. Hein, une moraine. Parce que l'autre fois, Bika m'avait expliqué. Mais on parle de Vekoum maintenant? T'as peut-être sur Saint-Nabord un commentaire à faire? Sauf qu'on m'avait... On m'avait dit que c'était une des plus grosses communes de France, je crois, au nombre... En superficie, oui. Non, bien sûr pas. Non, en superficie. Mais il faut l'indicatif. C'est derrière Remiremont, c'est la plus grosse agglomération de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale. J'ai quelque chose à te dire, Michel, mais on change complètement de lieu. De la balade de la Voie Verte de Remiremont en allant vers Saussure. Il y a la gorge de Crozerie qu'il faut visiter, qui est magnifique. Bien sûr, c'est magnifique. On se croirait dans un une île de Guadeloupe où il y a l'eau claire qui coule et avec le soleil sur la roche, c'est superbe. Alors je sais pas, maintenant depuis la voie verte c'est difficile d'y aller, vaut mieux passer par l'autre côté pour accéder à l'eau. C'est indifférent, tu peux y aller, t'es le plus proche c'est la voie verte, autrement tu t'arrêtes au lotissement du Crozeri à Tiefos, c'est le lieu ta voiture. Le lotissement du Crozeri à Tiefos, parce qu'il faut escalader quand même, c'est pas facile d'accès quand même. Ah ben pour descendre, au niveau de la rivière, tu veux dire? Oui, pour aller dans l'eau. Ah oui, mais et alors là, je te recommande, si tu n'es pas frileuse, d'aller te baigner dans les cuvettes des gorges de Crozeri. Eh ben voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai. Ah oui, quand j'étais ado, oui. On s'est un petit peu éloigné, encore que c'est à quoi? C'est à 15 km de Remiremont. C'est une expérience à vivre aussi. C'est dans la vallée d'Amazote, à 15 km de Remiremont. C'est une expérience à vivre aussi, c'est beau. Voilà. Alors, on va terminer par Vecou, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Alors, Vecou est situé à 6 km de Remiremont. La commune appartient géographiquement à la région des Hautes-Vosges, au pied des premiers reliefs importants. À la confluence de la Moselle et de la Moselotte, elle possède une station avec point de vue jusqu'au plan d'eau de Remiremont. Est traversée par la voie verte des Hautes-Vosges, bien sûr, qui emprunte parcours de la ligne SNCF déclassée Remiremont-Bussan et permet la pratique de sports multiples en toute sécurité. Oui, il y a le bus pour Remiremont-Bussan. Puis il y a le bus, oui, bien sûr, pour remonter la vallée. Oui, mais c'est le bus de la vallée de la Haute-Moselle. Oui. Hein, c'est-à-dire que Vecou, c'est un petit peu la porte de la Haute-Moselle. Dommartin aussi, mais Dommartin, c'est plutôt Moselotte. Hein, même si elle était, comme je vous disais au début de cette émission, reliée au canton de la Haute-Moselle, il n'empêche que Dommartin appartient beaucoup plus au secteur de la Moselotte, de la vallée de la Moselotte, alors que Vecou, c'est vraiment le début de la vallée de la Haute-Moselle. Je te laisserai terminer, Michel, mais il faut préciser quand même. On a un peu de temps devant nous. Aux touristes, il y a deux bus qui partent de Remiremont. Il y en a un qui sert toute la vallée de la Haute-Moselle, c'est-à-dire Vecou, Yelles, Rue, Ferdrue, Ramonchamp, Le Tillot, Fraisse-sur-Moselle, Saint-Maurice et Bussan. Et il y a un autre bus qui part de Remiremont, qui dessert Vanier jusqu'à Cornimont. Et il faut découvrir à Bussan, entre autres, le théâtre Bussan, du peuple, bien entendu. Voilà, mais la saison est commencée, d'ailleurs. Oui. Et c'est vrai que c'est bien parce que ces bus, ils démarrent quand on sort du train. En général, le TGV Est Paris arrive et le bus part quelques minutes après. Bien sûr, il y a des liaisons par bus. Les liaisons sont tout à fait bien coordonnées. Forcément. Voilà, donc on termine, on parle en vitesse des musées. À Dommartin-lès-Remiremont, la maison du patrimoine. Donc je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, il faut découvrir. Elle loue le musée d'histoire et d'archéologie. Association de recherche archéologique d'histoire du patrimoine des lois. Remiremont, le musée Charles Fréry. Oui. Remiremont, toujours le musée Charles de Bruyère. Oui, nos deux musées. À Saint-Étienne, les Remiremont, la chapelle des arts à la Suche. Faut quand même aller voir. Hein, c'est pas trop mal. Je dirais même que c'est très bien. Mais bon, ça sort un petit peu du musée traditionnel. Hein. C'est simplement pour découvrir des sculptures, en particulier celle de Daniel Petit-Ginet. Le Saint-Nabor est la maison d'histoire et du patrimoine aussi. Hein, une riche collection de meubles, vêtements et autres souvenirs qui offrent aux visiteurs une vision de ce qui pourrait être la vie quotidienne d'un Vosgien au siècle dernier. Ah, il y a Audutem et Servance aussi, où il y a un musée d'un village 1900. On s'éloigne, jeune fille. Oui, mais il y a un village 1900. Qui est reconstitué. Et puis alors, ce qu'on a, il y a un monsieur qu'on a invité là régulièrement, de Saint-Étienne-lès-Remiremont, c'est l'exposition de Vélo Solex, Guy Maurice, qui s'est pris de passion pour les Vélo Solex. Ça se trouve où? Alors, exactement, ça se trouve 5 rue du Tiatou. Où ça? C'est 5 rue du Tiatou, je ne sais plus trop, moi je ne suis pas stéphanois, donc je connais un peu mal. C'est à Saint-Étienne. C'est tout près d'ici, c'est tout près du studio d'RGM. Mmh. Donc vous pouvez venir aussi visiter, ce n'est pas un musée, mais les studios d'RGM, pourquoi pas. Ah oui. Téléphonez-nous. Mmh. Bah oui. Alors, il y a des visites guidées à Dommartin, visites accompagnées de la Maison du Patrimoine, bien sûr, voilà. Il y a des visites guidées à Remiremont, bien entendu, l'histoire d'un chapitre prestigieux, hein, des Noëlettes. Il y a des vélos à louer. Il y a un Valdajol, un circuit découvert. Ouais, il y a des Plombières-les-Bains, le petit train touristique. Ah oui. Un plein centre de Plombières, ça te permet de découvrir. Les visites guidées, bien sûr, hein, l'histoire passionnante de la ville aux 1000 balcons, etc. Et les vélos à louer, les vélos. Les jardins terrasses. Il y a des vélos à louer à la gare de Remiremont aussi. Ah oui, oui, l'été, il y a des vélos à louer à la gare de Remiremont. Hein, pour celui qui veut se promener sur, en particulier sur la voie verte. Oui. Parce qu'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est vrai que la pratique du vélo, ou bien t'es chevronné, ou bien ça peut être dangereux, quoi. Mais sur la voie verte, t'as toute l'autorité pour remonter les vallées. Oui. Et c'est quand même des espaces quand même de 50 km aller-retour. Hein. Oui. C'est pas mal. Oui. Alors, les lieux historiques. Deux minutes hein, seulement. Éloi, le maquis du Haut-du-Bois, le chalet de l'empereur Germain Valdajol, les chalots de Valdajol, bien sûr, et puis Germain, les thermes Napoléon, bien sûr, les thermes romains à Plombières, la place Napoléon III, la place du Bain romain, à Plombières, toujours le palais royal, à Plombières, les balcons de Joséphine, à Remiremont, la statue du volontaire, bah oui, on connaît hein, ça, n'est-ce pas? Les arcades à Remiremont, le calvaire. Ah oui, le calvaire. Il faut respirer un peu. Le petit kiosque. Il y a un parc magnifique. Le fort du Parmont, qui a été restauré, qu'il faut aller voir. Le Saint-Amand à Saint-Amé, bien sûr. Et puis, il faut aller aussi au pont des Fées. Pour le Saint-Mont. Ah oui, le pont des Fées. C'est magnifique, le pont des Fées. Ça touche le Saint-Mont, hein, c'est vraiment tout près. C'est vraiment une curiosité. À Saint-Étienne, Remiremont, la Haute-Borne, hein, ça servait de limite du temps des abbesses. La ferme natale du général Humbert à Saint-Nabord. La stèle de Noirgueux, mais ça c'est plutôt... Le général Humbert, c'était un Irlandais. Non, c'était un Français qui est venu au secours des Irlandais, nuance. Oui, il est venu au secours des Irlandais, voilà. L'église renommée de Saint-Étienne d'Haut-Martin, pardon. L'église Notre-Dame d'Assomption à Éloi, la grotte Notre-Dame de Lourdes à Éloi. C'est une reproduction, hein, le Germain, l'église de l'Immaculée au Germain Valdajol, la prieuré des Rivales, hein, il ne reste plus grand chose, mais ça vaut le coup quand même d'être découvert le site. L'église Notre-Dame d'Assomption au Valdajol. Et puis les croix de chemin en particulier, l'église Saint-Amé qui est en voie de restauration à Plombières, Plombières-les-Bains, les coteaux de la Vierge, la chapelle Saint-Joseph. Je découvre un petit peu ça parce que je connais mal le coteau de Plombières. L'église abbatiale Saint-Pierre à Remiremont, bien sûr, le palais abbatial de Remiremont, la chapelle de la Madeleine. Ah, c'est quand même une curiosité. Hein. Je crois que c'était une chapelle de Pestiféré au départ. La quoi ? La chapelle de la Madeleine. Je ne sais pas si j'interviens là. Oui, Pestiféré. Ah oui, c'était ça. Oui. Hein. C'était ça, voilà. Voilà, la chapelle Sainte-Anne à Saint-Nabord. Un grand nombre de croix de chemin, bien sûr, puisqu'on est dans le domaine religieux avec vous. Et puis, l'église Saint-Louis et son orgue en cours de restauration. Saint-Louis. On arrive au bout. Hein. Saint-Louis ou Saint-Michel, l'orgue. Avec vous, bien sûr. L'orgue avec vous. Alors, j'ai pas eu le temps de parler des sites naturels. Hein, on sera peut-être pour une prochaine fois. Il est temps qu'on arrête, voilà, il y en a quand même, il y en a pas mal, hein, il y a beaucoup de cascades, il y a beaucoup de fontaines, d'étangs, puis de sentiers de découverte. Et puis aussi, faut quand même le dire, Michel, beaucoup d'animations, des concerts, des... Ah ben il y a beaucoup d'animations l'été dans les villages de la communauté de communes, Porte des Vosges méridionales. Ça bouge, quoi, voilà. Il n'y a pas que... On termine cette émission, voilà.